les conséquences de ce qui est conséquent. On n'est pas ce que l'on veut. On ne le sera jamais. On ne le sera jamais assez. De se tracasser, assez de se prélasser, assez de se lasser de soi. Et si tu ne te lasses pas de moi, si tu ne me délaisses pas, alors je te dirai qu'il n'y a qu'avec toi que je me sens moi. C'est toi qui l'as cherché, et toi qui l'as cherché. Je ne te laisserai jamais filer, je me laisserai toujours aller aux aléas, aux alizés. Yeah.